de 9 millimétrés pour arroser les deux traits sur ta carrière. MC, on tire un trait. Qui l'eût cru, on a le flow cru. De boucher, MC, tu pues. La merde va te toucher, toucher. La concurrence est doublée. Le son va te couler. Je rentre dans le jeu, trop dangereux. Je représente mon 3-2. Trop hargneux, fameux. Comme ton gros joint de bœuf. T'inquiète, j'ai ma charrue et mes bœufs. Décalage des grenades pour les bleus. Je t'assure la récompense, c'est ce que je veux. Du bif, du bif. Je me tape des feux, eux. Je m'en bats les couilles, je dois de vous deux. 32 000. On veut finir en tête d'affiche, mais Alice, si j'ai pas tout rendu. La recette marche, arrive. Pas encore poursuivi par la gloire, mais par le shérif. Pas du shérif. Paix au plancher, ils ont vu une ombre passer. Pas le temps de me flasher, j'suis trop lancé. Je les ai distancés, personne pour concurrencer. J'suis trop déterminé. Si l'album ne marche pas, je vais recommencer. Un nouvel opus, pour un nouvel opus. Je rappe pour les vrais, pas pour les gugus. Les MC Marcel, pour que je change de puce. Un jazz. Jazz, balance, elles sont caisses. Fais-toi bien à ta gorge, mec, mets-toi à l'aise. J'débois, on est de loin, en bois, parti de rien, en bois. Je suis suicide qui crache à côté chez moi. 32 000 sud-ouest, c'est le Far West. Dédicace, HAS, quartier ouest, c'est la crise, c'est la haine. Ça se tourne dessus pour la cesse, ça cesse. Le minage progresse, on sort que je m'agresse. La prime a trop la dalle, ravageuse comme la peste. Ravale sa langue jaloux, où elle finira. Dans tes fesses, hop de test. Reconnu par ceux qui aiment et détestent. Pile à rouille. La musique bizarre, oui. Genre, il est pas de l'androïde. Je pose mes couilles dans le rap. J'affaire pas les gyrophares, mais les belles phares. Accélère dans le virage. On poursuit dérapage. Des fois, je tâche ta page nocturne. Élu, parce que j'ai du rap lure. J'ai la dalle, gros, pas la thune. Plein les poches, si tu sais pas quoi faire, donne à tes proches. T'es croqué, nous aussi, on veut rouler un port. Notre avenir, on nous l'a noirci. Parti de rien, même pas une torche. Pour éclairer ce chemin qui est moche. Parti de rien, étant mioche. Dans un champ de blé, c'est plus notre vie. C'est passé de la télé, tellement rejet. Qu'on passe même plus à se ranger. 32 000 c'est danger. Sur le trottoir, les gens fait que couler. J'suis coulé par un système, j'suis naufragé. Fait émerger des rives à la côte pour me venger. Le rap pris en otage, c'est danger. Puis la fois pour mettre des bugs, c'est danger. J'ferais mieux de te ranger. J'agresse le rap et c'est messager. J'ai plus rien à échanger. Si j'ai un vol de la reine, je vais tremper. Des trompes, mais le son avant tout tremble. 32 000, faut qu'on brille. Notre vengeance sera terrible comme celle du Kill Bill. Réglé, au millimètre près. Le boss de loin ou de près. Calibré de 9 millimétrés. Pour arroser les deux traits sur ta carrière. MC, on tire un trait. Qui l'eût cru, on a le flow cru. De boucher, MC, tu pues. La merde va te toucher, toucher. La concurrence est doublée. Va te couler, réglé au millimètre près. Le boss de loin ou de près. Calibré de 9 millimétrés. Pour arroser les deux traits sur ta carrière. MC, on tire un trait. Qui l'eût cru, on a le flow cru. D'un boucher, MC, tu pues. La merde va te toucher, toucher. La concurrence est doublée. Le son va te couler.